Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler avec notre ami Bruno Boudreau. C'est un bout de temps qu'on n'y a pas parlé. Salut Bruno! Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, je veux te parler des Blue Jays versus les Raptors. Écoute, tout le monde trippe Raptors. Il y avait raison, j'en suis un, moi, puis toi aussi, toi aussi. Sauf que moi, je voulais t'emmener sur le base, sur les Raptors vis-à-vis les Blue Jays. Est-ce que tu penses que le fait que les Raptors ont remporté la victoire, ont remporté le championnat, va faire en sorte que ça va faire bouger les choses à Toronto avec les Blue Jays, parce que c'est triste, les Blue Jays, le centre Rogers se vide tranquillement, il y a pas d'ambiance à ce stade-là, donc comment tu vois ça, toi? Ben, c'est sûr que premièrement, c'était vraiment un beau moment là, de voir les Raptors gagner hier, là. Je pense que ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par rapport à l'impact sur les Blue Jays, ben, tu sais, si je regardais un petit peu, là, t'as dit, là, les assistances qui se baissent, il y a de moins en moins de gens qui viennent voir les matchs. Puis, un des éléments que je trouve qui est intéressant sur la saison difficile que connaît l'équipe, c'est de voir les autres équipes autour qui ont du succès. Tu sais, dans le fond, t'as parlé des Raptors, les Maple Leafs aussi se sont replacés depuis quelques années. Je regarde du côté du soccer, dans le Toronto FC qui a gagné le championnat de la MLS. Donc, il y a eu plusieurs équipes qui ont eu du succès autour à Toronto. Puis c'est sûr que ça met une pression. D'un autre côté, tu peux te dire, ben, pendant cette éclipse médiatique sportive-là, pendant que les Maple Leafs et les Raptors ont vraiment pris le devant, mais c'est peut-être un bon moment pour les Blue Jays de se reconstruire. Tu sais, peut-être que c'est l'occasion quasiment rêvée de pouvoir continuer comme ça. Par contre, en parallèle, c'est sûr que l'équipe fait beaucoup moins d'argent, il y a beaucoup moins d'engouement et d'intérêt autour de l'organisation. Puis l'autre chose que moi, il m'inquiète du côté des Jays, c'est plus sur le terrain, c'est de voir les jeunes grandir dans cette défaite-là. Là, certains vont dire, ben regardez ce que les Astros de Houston ont passé avant de connaître du succès, puis on a vu là, les résultats, puis encore cette année, ils ont beaucoup de succès. Mm-hmm. Il n'y a rien qui garantit qu'on va se rendre à ce niveau-là, au niveau des Astros. Alors, est-ce que ce passage à vide-là va réellement mener à quelque chose de grand avec ce groupe de jeunes-là? Ben, tant qu'à être parti dans cette direction-là, il va falloir y aller jusqu'au bout. Et puis, c'est peut-être là où on peut s'inspirer un petit peu du mouvement des Raptors, c'est-à-dire, ben, eux, ils ont quand même été chercher des joueurs à gauche et à droite, bâtir quelque chose. Puis quand c'est le temps, ils ont fait le gros coup. Fait que c'est peut-être ça que les Jets vont faire, attendre 2-3 ans, puis après ça, tenter le gros coup. On verra ce que ça va mener. Mais, tu sais, je regarde, je suis beaucoup la relais. J'aime ça sur les filiales, puis c'est pas d'hier que je suis ça. Je regarde, tu sais, il n'y a pas de lanceur. Oui, t'as Patrick Murphy qui lance bien dans le 2A, t'as Nate Pearson également, mais t'as Reed Foley qui progresse pas du tout, et t'as pas de lanceur vraiment là, qui peut être dans les filiales que tu te dis qu'identifies, ça va être un partant numéro 1 dans une rotation. Tu sais, il y a beaucoup de travail à faire. Oui, t'as Vladimir Guerrero qui va être un joueur de concession, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, les Biggio, les Bichette, on en a vu plein des supposément espoirs qui n'ont rien fait finalement. Là. Puis ça, moi, il n'y a rien qui me garantit ça. Oui, puis du côté des lanceurs, ben, on regarde le repêchage qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ouais. Les Biggio ont vraiment donné beaucoup d'attention au niveau des lanceurs. Par contre, tu l'as mentionné, souvent, il n'y a rien qui te garantit. Puis en plus, encore plus, les lanceurs, on sait les blessures au bras. Ouais. Souvent, il y a le temps de développement aussi qui est beaucoup plus long. Donc, est-ce que notre core player, nos joueurs principaux, frappeurs, vont devenir meilleurs avant qu'on ait pu bâtir une rotation pour les entourer? C'est ça qui va être intéressant. Puis quand on regarde les échanges possibles du côté des Jays cet été, si on pense entre autres aux gars comme Stroman qui pourrait quitter, Ken Giles qui pourrait quitter, Joe Biagini aussi comme releveur, là, il y a plusieurs équipes qui ont d'intérêt pour solidifier leur cours de relève. Ben, du côté des Blue Jays, il va falloir qu'on aille chercher des jeunes bras. Puis encore une fois, ça va être le même dilemme. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des bras plus garantis ou on devra prendre des chances sur des joueurs qui sont pas développés ailleurs et que les équipes vont laisser aller? Fait qu'en même temps, il faut que tu les développes bien. Donc, amener une rotation à point, à maturité, c'est pas quelque chose qui est facile. Puis c'est ça aussi qu'on voit, là, Vladimir Guerrero, même s'il se développe comme étant un excellent joueur, puis les joueurs que tu as mentionnés, les Biggio et compagnie, font en sorte qu'on devient avec un solide alignement. Du côté des lanceurs dans l'organisation, c'est vraiment pas une des forces des Jays en ce moment. Puis ça, c'est un problème parce que ça prend du temps à développer. Fait que je trouve aussi que ça va être peut-être difficile d'avoir la bonne adéquation là-dessus. Puis je pense que ça va être un des travaux importants du côté des Jays d'être en mesure d'aller renforcer cette relève-là au niveau des lanceurs. J'ai pas confiance à Ross Haskins, c'est pas compliqué. J'ai aucune confiance. Tu regardes ce qu'il fait, là. Écoute, depuis deux. Puis ça, je sais pas si c'est avec toi, j'en ai parlé ou avec Marc, mais il n'y a pas eu de joueur d'intéressant qui est arrivé à Toronto depuis 2016. Tu sais, on va se le dire, c'est ça pareil, là. Ouais, on a décidé qu'on allait couper aussi au niveau des salaires. On a déjà parlé aussi de la façon qu'ils vont emmener la gestion. C'est vraiment une reconstruction. Puis, écoute, l'équipe s'enligne pour une centaine de défaites. Ouais. Puis c'est pas la seule. Je regardais le classement, je regarde un peu les matchs cette année. On voit qu'il y a un très gros clivage qui se fait entre des équipes qui s'en vont vraiment vers le fond, des équipes qui s'en vont vraiment vers le haut. Il n'y a plus beaucoup d'équipes de milieu. Puis les Jays ont vraiment pris le virage, que, comme j'ai mentionné, les Astros, les Phillies et compagnie. Fait qu'on s'en va dans le fond le plus possible pour se rebâtir puis remonter au sommet avec quelque chose qu'on pourrait maintenir pendant 3, 4, 5 ans. Un peu comme les Indians ont fait. Prends Ross Atkins, regarde ce qui s'est passé du côté des Indians par le passé. C'est un peu le même modèle qu'on essaie de faire. OK. Tu voulais parler du rendement de l'équipe aussi? Ben, en fait, j'ai écouté un match la semaine passée contre les Orioles, puis j'entendais un des commentaires d'une personne qui suit l'équipe de près, puis il disait que c'était probablement un des pires matchs depuis 10 ans en termes de qualité qu'il avait vu entre deux équipes de baseball, ben, à couvrir les Blue Jays. Écoute, l'équipe, c'est peut-être la pire équipe des Jays depuis une dizaine d'années. C'est ça qui se posait comme question. Et en plus, ils affrontaient les Orioles qui, eux, font vraiment aussi pitié. Ils sont vraiment dans le même mode. Tu regardes la division, t'as Tampa Bay, Boston puis New York qui sont vraiment dans le haut du pavé. Puis t'as les Orioles et les Blue Jays qui suivent exactement le même chemin. Les Orioles, à la différence des Jays, c'est qu'ils n'ont pas de Vladimir Junior. Ils n'ont pas de... Fait qu'eux autres sont encore plus loin de revenir. Mais c'est pour démontrer justement le clivage. Là, tu regardes les autres divisions, tu regardes les équipes, tu regardes des équipes comme par exemple les Tigers de Détroit, des quand même des gros marchés. Tu parles de Toronto, Détroit, c'est pas des petits marchés. Non, c'est ça qui me frustre, moi. Ici, les Jays de Toronto, là, c'est pas les Marlins de la Floride, puis c'est pas les Expos du temps. Là. C'est du monde qui a de l'argent. C'est une organisation qui est. Moi, j'ai de la misère à tout comprendre ça. Tu sais, quand Rodgers était en 2015-2016, le centre Rodgers était plein. Il y avait un engouement autant que sinon plus grand que les Raptors. Puis là, soudainement, arrive cette gang-là, puis coupe tout, puis il se passe plus rien. C'est ça qui est, c'est ça qui est frustrant. Mais je pense qu'on a vendu, comme je te disais tantôt, on a vendu un peu le modèle, et puis c'est un peu le modèle que suivent plusieurs équipes, mais ça va être de se demander, si on regarde par exemple, on pourrait s'en parler dans 3-4 ans, puis se dire, ben, ils sont rendus où, les Orioles, les Blue Jays, les Tigers, les Royals, toutes ces équipes-là qui ont suivi ce modèle-là, puis on verrait que ça marche pas tout le temps, mais ce qui est encore plus fâchant dans ton discours, puis je l'entends, puis je le comprends très bien, c'est quand ça vient d'un gros marché. T'sais, tu peux t'attendre à une reconstruction puis un repositionnement, ça peut aller, mais on s'est quand même drastiquement dirigé vers le fond. Puis est-ce qu'on va redevenir les exemples des Astros qu'on a parlé tantôt, ou on va redevenir peut-être les White Sox de Chicago qu'on a vu aller dans le fond, puis finalement ils remontent, mais ils sont pas capables de remonter. Ils continuent encore avec des jeunes qui poussent, mais on sent que la crème elle pogne pas. Donc c'est où qu'on va se situer dans ces exemples-là? Et puis c'est là aussi que c'est le pari que l'équipe fait, hein, c'est d'avoir 2-3 saisons de misère, puis quand ça va revenir d'être bon 5-6 ans, puis de remplir les coffres à ce moment-là beaucoup plus que ce qu'on va avoir perdu, un peu comme Houston en fait. OK. Moi, je suis très décevant de ce qui se passe avec les Blue Jays de Toronto. Les Braves d'Atlanta. Les Braves d'Atlanta, c'est une équipe que je suis beaucoup, parce que moi, je suis abonné à LNB X-Training, donc j'ai tous les matchs. C'est une équipe avec Alex Antopoulos, une belle équipe, une jeune équipe, mais ils ont signé Dallas Keuchel cette semaine. Comment tu vois ça? Est-ce que ça peut être la pièce maîtresse? Ce ne sera pas lui qui va être le numéro un comme lanceur partant, mais il va solidifier cet enclos-là. Ah, absolument. En fait, tu sais, les Braves, présentement, c'est probablement l'équipe là, qui joue le meilleur baseball dans la nationale depuis une semaine ou deux. Puis c'est une équipe qu'on voit là, qui s'en vient. Puis j'ai l'impression que les Phillies, cette année, avec bon, la signature de Bryce Harper, tout ça, c'est une équipe beaucoup aussi, de blessés. Qui progresse. Beaucoup de blessés, par contre. C'est ça, ils ont beaucoup de blessés. Puis quand je regarde du côté des Braves, encore là, c'est même pas cette année qu'on peut s'attendre à ce que ce soit encore les plus dominants. Avec Kukul, ils vont faire les séries probablement être capables d'aller loin. Mais c'est une équipe qui est en train de s'installer. Tu sais, quand on parlait tantôt justement de l'exemple des Blue Jays, c'est une équipe, les Braves, qui est en train de s'installer pour être bon pendant 3, 4, 5, 6 ans. Avec tous les jeunes qui explosent et tout ça. Fait que c'est une équipe qui est super intéressante à regarder, puis qui est déjà performante malgré le jeune âge de plusieurs des jeunes joueurs d'équipe. Donc, en fin de semaine, il y a une série, entre autres, entre les Braves et les Phillies. Justement, au début de l'année, les Phillies avaient balayé la série d'ouverture à domicile face aux Braves. Mais les Braves, à ce moment-là, avaient des problèmes au niveau de la rotation. Ils avaient décidé de faire lancer des lanceurs à domicile un peu plus loin. Là, ça va être vraiment différent en fin de semaine. Puis c'est une grosse série. On est tôt dans l'année. mais pour que les Phillies soient capables de maintenir le rythme. Puis tu sais, on parle pas des Mets qui sont à 6 matchs là, puis des Nationals à 8,5. Je pense que ces deux équipes-là, malgré la bonne volonté, vont manquer un peu d'éléments, parce que quand tu regardes Atlanta avec la signature en plus de Kukel, il lancera pas demain matin. Là. Est-ce qu'il va lancer dans une semaine, deux semaines, trois semaines? Je pense que ça va dépendre de son rendement au niveau des mineurs. Est-ce qu'il va revenir avant la pause du match des étoiles? Mais si l'équipe continue à gagner comme c'est là, puis les jeunes performent, t'as pas de pression de le ramener rapidement. L'important, c'est quand tu l'amènes, il soit au maximum de ses capacités. Puis si t'as une demi-saison de Kukel, écoute, un an, 13 millions, c'est pas un très, très gros contrat pour une équipe comme Atlanta. Donc, c'est vraiment une très, très bonne signature. Et je trouve que le fit est bon pour Kukel aussi. Lui, veut remonter sa valeur en vue de l'an prochain. C'est un win-win. Autant que Kimbrel qui a signé avec les Cubs de Chicago. Les Cubs avaient vraiment besoin de renfort au fond de la relève. Moi, je suis beaucoup les Cubs. Puis c'était un des gros bloquants cette année qui les permettait d'avancer. Milwaukee, encore une bonne saison. Les Cards sont dans le coup. Donc, c'est une grosse lutte série. Il n'y a personne à 10 matchs et plus dans cette centrale-là. Donc, c'est loin d'être terminé. Et c'est une très grosse signature pour ce qui est des Cubs. Et encore là, un win-win dans cette situation-là. Puis pour revenir aux Braves, je sais que tu les suis beaucoup avec Alex qui est là. Mais c'est une équipe qui est vraiment intéressante à suivre pour le virage jeunesse qu'ils ont fait. Et tu sais, des jeunes là, comme Acuña Jr. et tout ça, des jeunes qui performent. Arbiz et tout ça, des jeunes qui performent à 25 ans et moins. On voyait pas ça avant. Mais eux, ils en ont plusieurs. Et c'est ça qui est inquiétant quand tu regardes une équipe comme Philadelphie. Oui, on était chercher Harper, mais Harper, un, il déçoit. Puis deux, il vieillit. Alors que eux, c'est vraiment des jeunes joueurs sous contrôle qui coûtent pas cher. Donc, les Braves vont avoir des options pour aller chercher des joueurs. Autant au niveau de l'argent parce que leur masse salariale est basse, mais encore plus parce qu'ils ont un super réseau de filiales. Donc, c'est une position vraiment rêvée pour Antopoulos en ce moment. Ça va être bien intéressant de voir ce qu'il va faire, mais l'acquisition de Kukel, pour moi, c'est un élément extrêmement important pour la suite des choses à faire. Kukel a lancé, pour votre information, son premier match dans les ligues mineures cette semaine. Il a lancé 7 bonnes manches à Reno. Et a donné un coup sûr et 9 retraits sur des prises. Fait que c'est sûr qu'il est dans le A actuellement. J'imagine qu'il va faire un ou deux départs par la suite, il va monter dans le 3A, puis on va le voir par la suite. Là. Exact. Donc, c'est quelque chose demain. Dis-moi, je reviens au Blue Jays. Tu t'attends-tu à beaucoup de changements? Ben, écoute, il y a beaucoup de noms qui circulent. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de noms qui circulent sur le marché. Je te dirais que la saison est vraiment perdue. À ce moment-ci, il n'y a pas de façon de remonter ça. Je disais ce matin, Steve Phillips sur le site de TSN qui mentionnait, ben lui, à son avis, c'est le temps. Là. C'est le temps d'y aller all-in puis de vider là, complètement tout ce qui reste. Là, all-in du côté plus négatif de la chose. Là. Donc, vraiment de vider là, les joueurs qui peuvent rester intéressants. Donc, je disais tantôt, les Biagini, Giles, Strowman, Sanchez, peu importe ce qui peut avoir un certain intérêt. Il parlait de possibilités, peut-être même avec une équipe comme Atlanta, pour un gars comme Strowman, est-ce que les Braves seraient prêts à laisser aller certains jeunes bras qui se développent pas, parce qu'ils ont un surplus de jeunes bras aussi. Il y a un voltigeur qui on dit beaucoup de bien, un voltigeur de centre, Piche, je pense, qui joue dans les mineurs, puis lui, évidemment, il n'y a pas de place à Atlanta à cause de Ronald Acuña. Donc, il pourrait être un marché intéressant également. J'avais vu ça dans une des articles. Mais j'ai hâte de voir, oui, les Blue Jays pourraient être peut-être avec Atlanta, surtout que Alex vient de là, hein? Oui. Fait que je pense qu'il pourrait avoir de l'élément. Puis, tu sais, c'est tantôt ce que je voulais compléter justement sur l'équipe, ce qui est plate un peu. À dire du côté des Jays, c'est ce qui reste à surveiller de leur saison, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau des transactions, qu'est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher comme joueurs. Ça fait changement depuis quand même plusieurs années qu'on est habitué que les Jays au moins soient un peu dans le coup, même l'année passée, sans avoir été dans le coup tout le long de l'année. On sentait au moins qu'en juin, il y avait encore une chance de quelque chose. Là, cette année, c'est complètement terminé là, depuis le milieu mai. Et c'est une très longue saison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas senti ça à Toronto. Même les années avant qu'on devienne une équipe plus qu'on avait fait les séries, tout ça, on sentait qu'il y avait une progression. Tu avais des joueurs comme José Bautista, Encarnacion qui frappait 50 circuits. Tu avais quand même quelque chose à te mettre sous la dent. Mais là, c'est vraiment les années de vache maigre. Puis c'est ces années-là que les Astros ont connues, que les Phillies ont connues. Il n'y a rien qui garantit ça va remonter les Jays au succès, mais peut-être que dans 3-4 ans, on aura le discours. Ben, finalement, ça valait la peine. Mais on a raison quand même d'avoir des craintes parce qu'il y a tellement d'équipes qui empruntent ce chemin-là puis qui ne remontent pas. Qu'est-ce qui garantit que les Jays, ce sera le cas? Ben, on ne le sait pas, c'est ça l'avenir. C'est le développement. C'est à partir de ce moment-là qui est important. Là. C'est pas tout le monde qui a le bon réseau de développement. Bruno, un gros merci. Félicitations en passant. D'ici une journée ou deux, tu devrais être papa pour une deuxième fois. Fait que, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, nous, ben, on va se reparler dans deux semaines, si tu le permets. La semaine prochaine, on va parler avec Marc. Donc, gros merci puis félicitations encore une fois. Merci, Dan. Bonne semaine.